Je conduis depuis 2 heures. Je peux accéder à ce chemin pour me détendre? Oui, réponse A. Non, réponse B.